Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le mardi 23 février 2021, il est 14h01, nous sommes en direct et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre nouvelle émission proposée par Radio Guémozo intitulée Fréquence Libre. Comme d'habitude, je rappelle rapidement le principe. Il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos studios à Saint-Étienne-lès-Remiremont un invité qui est déjà venu à plusieurs reprises. En effet, si je vous dis jeune slameur qui se bat contre le harcèlement scolaire, EP plus que des paroles enregistrées au studio Airplay de Remiremont, vous me répondez Cosmos, bien sûr. Donc nous allons parler entre autres de son tout premier clip Homemade, de son titre Souvenir vivant. Donc bonjour Cosmos. Bonjour. Comment ça va? Ah bah ça va super bien. Je pensais pas revenir dans ces locaux suite à la crise Corona. Ah bah comme quoi tu vois. Du coup tout d'abord, si jamais il y a des auditrices ou des auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter? Mon nom est Cosmos et je suis un slameur engagé contre le harcèlement scolaire et les violences. Et j'ai sorti un EP le 4 mai 2018 qui s'intitule Plus que des paroles. D'accord. Et je suis venu plusieurs fois à Radio Guémozo pour faire des émissions NAH, c'est-à-dire où on parle du harcèlement et comment lutter contre le harcèlement scolaire. D'accord. Donc, d'ailleurs, pourquoi avoir choisi le pseudonyme de Cosmos? Alors, Cosmos, ça vient du mot Cosmopolitanie. D'accord. Qui était un titre que j'écoutais beaucoup, du moins un album que j'écoutais beaucoup de Soprano. Bien sûr. Et je l'écoutais au moment où je faisais face à ma reconstruction et aux crises d'angoisse hyper aiguës que je traversais en 2015. D'accord. Et le mot Cosmos, ça rappelait aussi mon métissage, parce que je suis franco-portugais, je suis né d'une union franco-portugaise. D'accord. Et c'est un peu pour ça qu'on m'a harcelé, parce que j'étais différent et aussi parce que j'étais pas un Français de souche pour certains. D'accord. Ce qui est complètement débile d'ailleurs. C'est vrai. Pour moi, la nationalité ne juge pas de la qualité. Bien au contraire, on est tous humains, la Terre appartient à tout le monde. Bien sûr. Donc, comme tu le dis, c'est grâce notamment donc, à l'album Cosmopolitanie de Soprano. Est-ce qu'on peut dire que cet album a été un petit peu ton et que Soprano a été un petit peu, sans même le savoir, ton sauveur, entre guillemets? Dis-moi, il y a eu beaucoup de sauveurs, parce que certes, le titre Cosmos, ça parle de l'union, tout ça. C'est un titre que j'écoutais beaucoup, et qui m'a donné envie d'avoir ce nom-là. D'accord. Mais j'écoutais déjà beaucoup, beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré. Quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Georges Brassens, Jean Ferrat, Brel, et un peu tout le répertoire des années 80. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les chansons à message. J'écoutais D'accord. pas trop le zim boum boum, genre, hey, tu tapes, oh, ça m'énervait. Bon, on pouvait danser dessus, mais ça m'énervait. J'écoutais D'accord. beaucoup les musiques à sens. Mm-hmm. Et après, vu qu'on disait, oh, c'est ringard, Jean Ferrat, tout ça, je me suis intéressé aux musiques à texte actuelles. Donc là, en 2013, c'était Section d'Assaut qui montait, donc Section La Fouine, tout ça. Bien sûr. Et donc j'écoutais ça, j'ai essayé de voir leurs textes et je me suis beaucoup reconnu dans ces textes et je me suis dit, et pourquoi pas moi? Et je me suis mis à faire un texte. Au début, c'était un texte d'amour pour une copine. Et après, je me suis dit, tiens, je vais quand même écrire contre le harcèlement. Et manque de bol, je me suis fait repérer par ma prof qui m'a dit, ben vas-y, essaye de nous le faire a cappella. Ok. Donc c'était n'importe quoi, faut le dire, mais le texte était frappant. Mm-hmm. Donc elle l'a gardé, mais manque de bol, je me suis fait agresser et on m'a dit faut que t'arrêtes le slam, faut que t'arrêtes le rap. Tu sais pas rapper, t'as pas un bon flow. Et c'est vrai, aller à toute vitesse c'était compliqué. Et quand j'ai découvert Grand Corps Malade, je me suis dit tiens, je vais essayer de prendre ce genre de flow. D'accord. Et là encore une fois, ça a fait peur parce que en histoire des arts, on étudie la Première Guerre mondiale. Et vu que mes grands-parents ont fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je me suis dit, tiens, je vais faire comme une lettre de poilu en slam. Et j'ai eu 21 sur 20. Ah oui, d'accord. Et là, encore une fois, ça a fait des jaloux. Tout le monde disait, tu peux faire d'autres thèmes ou tout simplement ferme ta gueule. Ouais, ok. Donc j'ai arrêté. Et quand j'étais malade, je me suis dit, écoute, il n'y a rien à perdre. Je vais faire... un slam qui s'appelle NAH. Je l'ai publié sur YouTube et là, grâce à Nora Fraisse, grâce au retweet de Nora Fraisse, ça a été la bombe. D'accord. J'ai été convoqué par mon prof de musique qui disait « Mais non, il faut que tu fasses ça ». Je l'ai fait au concert de 2016, si je ne me trompe pas, c'était en 2016. Et là, le studio Airplay m'a remarqué et m'a dit « Écoute, on va essayer de parler un peu de ton projet ». Et en septembre, mon père me récupère au lycée et dit « Tiens, on va revoir le studio ». Je dis « Bah, pourquoi ?» Et tu vas voir. Contrat. Ouh la vache. Là, j'étais en mode « Pourquoi on fait ça ?» Et mon père dit « Le slam, ça te guérit ? Eh ben, vas-y, guéris. » Ah ouais, un joli message. Je veux bien mettre entre parenthèses que ce projet voulait guérir parce que malheureusement, il y a des cafards qui ont voulu me mettre plus bactère après la sortie de Plus que des paroles. Mais on en reviendra plus tard. Je vais pas tout détaler d'un coup comme ça. Bien sûr. Donc, en quelle année as-tu vraiment commencé ta carrière ? 2012, 2013 ? Alors, je dirais 2015. D'accord. Parce que quand il y a eu le retweet de Nora Fraisse, j'ai presque rien compris. J'étais en mode, pourquoi moi ? Et je sortais quelques titres pour dire, voilà, je fais ça, hein, et un peu pour montrer aux autres que ça y est, c'était derrière moi. J'arrivais à m'en sortir et c'était mon moyen pour me sentir mieux. Et un peu pour frimer. Bon, c'est normal, quand t'es adolescent, oui, tu vas attirer l'attention. Donc, il y avait un peu de frime, mais j'aimais pas la frime. Ça te ressemblait pas. Oui, ça me ressemblait pas. Je voulais vraiment dire, écoutez, il y a des choses qui ne vont pas dans la société. Et je vais dire ce qui se passe en slam. D'accord. Et là, c'était beaucoup le harcèlement scolaire. Eh oui. Parce que j'en parlais beaucoup et mes amis étaient contents de voir que j'arrivais à m'en sortir. Mais ça ne plaisait pas à tout le monde, hein. faut le dire. Déjà au début, je voyais les gens disaient « Mais le harcèlement scolaire, c'est tabou, faut pas en parler. C'est comme les violences faites aux femmes, c'est comme tel sujet. Ça existe, mais faut pas en parler. » Et moi, ben, c'est simple, j'aurais dit « Ta gueule » de manière polie. C'est-à-dire que je disais « Ouais, ouais, ok, en face. » Et finalement, par derrière, je notais tout ce qu'ils disaient. Et j'essayais de dire des mots sans pour autant être vulgaire. Parce que c'est ça ma force, j'ai pas dit de gros mots. Mais en vrai, j'ai remballé des personnes sans le vouloir. D'accord. Oui, ben si. Enfin, justement, je pense personnellement que tout ce qui est harcèlement scolaire, violence faite aux femmes, au contraire, il faut en parler. Parce que ça aide à reconstruire aux personnes. Oui, il faut en parler. Pour se reconstruire, tout ça. Donc, comme je le disais en introduction, nous sommes ici pour que tu puisses nous parler, entre autres, bien sûr, de ton tout premier clip Homemade, intitulé Souvenir vivant, qui est sorti tout récemment. Donc, comment t'es venue cette idée de clipper un de tes sons et pourquoi ce son-là en particulier ? Alors, il y a une histoire de dingue derrière ce clip et derrière ce son. Parce que Souvenir vivant, normalement, c'était un son qui était dans le contrat où je devais être plus ouvert. D'accord. Mousse m'a dit, c'est bien, tu dis non harcèlement. On avait fait NAH 13. On avait fait Le Monde, c'est nous en même pas deux séances. D'ailleurs, il était hyper fier de moi. Il me disait, mais waouh, c'est incroyable. Et le plus dur, ça a été Plus que des paroles niveau enregistrement. Mais niveau écriture, c'était beaucoup Souvenir vivant parce que je voulais pas parler de mon enfance. Je disais, l'enfance, c'est juste une illusion. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien. Mais mon père a dit quoi ? Qu'est-ce que tu dis là ? Mais n'oublie pas ton enfance. Pourquoi tu veux oublier ton enfance ? Alors je dis, mais quand j'étais harcelé, on me disait, ce genre de bonheur, tout ça, tu dois oublier T'es une personne mature, oublie ça. Quand t'es petit, tu t'émerveilles pour un rien et tout. C'est pas de la magie. Alors qu'en fait, si, c'est une magie que malheureusement, on essaye de faire oublier aux gens pour oublier qui ils sont vraiment et en faire des marionnettes, tu vois. Oui, je vois. Et ça a été très, très compliqué parce que cette année-là, j'avais passé le bac. Donc, je passais au moins 3 mois à vomir dans les chiottes, tellement que je stressais. Et faire ce titre, ça a été très dur émotionnellement. Et pour faire ce titre, il a fallu que je m'enferme justement dans le grenier, là où on a filmé, et avec le livre justement où il y avait les photos, tout ça. D'accord. Et je me disais, écoute, tous les sons que j'ai faits, à chaque fois que je les écrivais, je disais, il n'y a rien à perdre. Alors je me suis dit, bon, ben on va tout dire, quitte à chialer dans le micro. Et c'est vrai, on m'entend chialer dans le micro. Je sais pas si tu entends dans le son, on m'entend chialer un moment quand je parle de mon copain qui était en proie à la maladie et qui heureusement s'en est sorti. Mais à ce moment-là, c'était très dur d'en parler parce que je gardais ça en moi. Je disais, non, je ne dois pas en parler. Et en fait, si, fallait en parler. Et quand on a terminé ce son-là, on l'a fait en une prise. Ah oui. Dorian a laissé le micro allumé et a dit, on le laisse dans ses bails, on va voir ce qu'il va faire. Il coupe le micro et dit, oh bah, tu vois, quand tu veux. Tu vois, quand tu veux, tu peux te respecter. Et j'écoutais le son. Et déjà, quand on écoutait les masterings, là, je me suis dit, écoute, le son, il est super. On le laisse comme il est. Point barre. Ouais, bah, le son qu'on écoutera, c'est d'ailleurs le sixième titre dans ton EP Plus que des paroles, d'ailleurs, Souvenir vivant. Et on l'écoutera un peu plus tard. Voilà, ce sera le premier son qu'on écoutera. Voilà, je donne envie aux auditeurs de rester. Donc, dans ce clip et dans ce son, donc dans ce clip Homemade et ce son, justement, était-il important pour toi de dévoiler tes souvenirs d'enfance et d'adolescence? Et si oui, pourquoi? Disons que j'avais jeté la pierre en 2019 parce que, encore une fois, il y a eu les cafards. Donc, ce que j'appelle les cafards, c'est les faux amis qui viennent te voir pour des motifs d'argent. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent, qui disent « Ah, je veux faire ce métier ». Mais même en voulant faire ça dans un but non lucratif, t'as des cafards et même ceux qui ont le syndrome de la carotte. Je sais pas si tu suis le snap de Mustapha. Je le suis sur Facebook et sur Instagram, mais son snap, j'ai pas snap donc non. Bah, il en a parlé et c'est vrai, il y a des gens qui sont venus travailler dans le studio. D'accord. Et qui après ont dit Mousse, il a fait n'importe quoi. Alors qu'en fait, non. Ah Mousse, oui. Déjà au début, c'est simple. Tu rentres au studio Airplay, tu dis je veux être une star, c'est simple. Tu sors tout de suite. Mm-hmm. Parce que chez Airplay, c'est l'amour de la musique. Eh oui. Et je vois bien que oui, il y a des charges à payer, c'est normal. Même on posait beaucoup ce genre de questions. Et je disais aux jeunes, mais c'est un investissement la musique. Bien sûr. C'est comme l'amour. La musique, c'est comme l'amour. Il faut un investissement et il faut être soi-même. Mm-hmm. Et. Quand je perçais pas, j'avais des harceleurs qui disaient hey, « Eh, il est où ton clip? Elle est où ta gloire? Elle est où ta si? Ah, t'as vu? T'as loupé ta carrière ?» Alors, 2019, malheureusement, fin 2019, je suis un peu mis dans une déprime parce que j'avais des problèmes personnels qui ont fait que j'ai dû prendre une année de convalescence en 2019. D'accord. Et j'avais fait plein de trucs. Et quand j'en parlais à mes amis, ils me disaient « Oui, mais, tout le temps. » Alors je me suis dit, puisque c'est comme ça, je fais rien. Et 2020, pendant le confinement, j'ai fait un travail sur moi énorme. Mm-hmm. Et quand j'ai entendu que la culture n'était pas essentielle, j'ai dit, ah, c'est pas essentiel. Eh bien, écoutez, je vais dire qui je suis vraiment. Et si pour vous, c'est pas essentiel, au moins ça a été essentiel pour moi de dire qui j'étais vraiment. Mm-hmm. Et j'en ai marre de me cacher derrière un masque. Parce que quand j'ai fait le trophée Rémi Raymond, je suis venu moi-même, et d'ailleurs, j'en parlerai après, je ne vais pas tout dire en une seule réponse. C'est ce qui m'a poussé. Si je n'avais pas fait le trophée Rémi Raymond, il n'y aurait pas eu cette confiance, et je n'aurais pas fait ce clip Homemade. Parce qu'avant, je m'amusais à faire des petits reportages de pêche, des trucs comme ça, et je faisais des montages. J'ai fait bonnement, je ne vais pas te mentir, 1000 heures de montage. Ah oui. C'était mon truc à côté de la musique. Et vu que le logiciel était un peu vieux, je me disais, écoute, voilà, pour être plausible musicalement, il faut de beaux clips. Mais là, on était confinés et j'en avais marre de voir les gens cracher sur la culture. Je me suis dit, écoutez, je vais proposer mon art et si ça vous plaît pas, tant pis. Mon art, il est humain, il est pas lucratif. Point barre. D'accord. Excuse-moi de dire un peu comme ça, mais... Ah bah non, mais on est là pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de colère qui a été emmagasinée. Et c'est un peu pour dire qui je suis vraiment que j'ai fait ce clip. Même si mes proches disaient « Écoute, c'est dangereux ». Oui, c'est dangereux. Comme NH, c'était dangereux. Faire face à certaines choses de la vie, c'était dangereux. Mm-hmm. Mais si je n'affronte pas la vie, qui va l'affronter à ma place? Qui? Eh oui, c'est vrai. J'ai déjà affronté le Covid alors que j'étais sous immunosuppresseur. Bon. Mousse n'aime pas que je parle de mes problèmes de santé, il n'aime pas du tout, mais il me dit, écoute, ça peut te faire du mal. Mais j'ai réussi à m'en sortir, et je dis aux jeunes qui me disent, écoute, je ne peux pas parce que j'ai ci, j'ai ça, je dis, si, tu peux. Il n'y a pas de frontière. La seule frontière, c'est cette société qui divise pour mieux régner. Et On l'a bien vu avec cette crise. T'avais deux, trois imbéciles dans la politique qui ont voulu imposer leur point de vue en disant « Oui, c'est la merde, mais on continue notre point de vue. » Eh ben, ah bon ? Eh ben, écoutez, je continue ma vie, point barre. Bien dit. Donc, non, mais faut être franc. Humainement, on a trop empiété sur la vie. C'est vrai. Et c'est pour ça que je veux montrer que je suis vivant, même quand les gens disent « Cosmos, il est mort ». Non, Cosmos, il n'est pas mort. Cosmos, il apprend à se reconstruire parce que la base de plus que ses paroles, c'était guérir et guérir les autres avec lui. D'accord. Donc justement, pour nous montrer tes souvenirs vivants dans ce clip, comme le nom de ton slam l'indique, tes souvenirs d'enfance et d'adolescence, tu nous montres des forêts, des champs ainsi que des rivières vosgiennes. Pourquoi avoir choisi ces lieux en particulier ? Parce que je viens de là, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand tu grandis... Tu dis oui, c'est la nature, mais quand tu vas dans les grandes études, déjà à Nancy, j'étais malade, je me disais, mais il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de plan d'eau, il n'y a rien. Et d'ailleurs, je suis sûr que je suis tombé malade à cause de ça, parce qu'il n'y avait pas de verdure, il n'y avait rien. Je vais à Metz, et là, à Metz, t'as tout, t'as la Moselle, t'as des parcs, t'as... Mais Metz, c'est plus vivant que Nancy. Désolé pour les Nancéens, mais Metz, c'est plus vivant que Nancy. D'ailleurs, je me suis reconstruit socialement à Metz. Je dois beaucoup de choses à l'université de Metz, du moins à mes amis de Metz qui m'écoutent. Et s'ils m'écoutent, je leur fais de gros bisous parce que, à mon avis, sans eux, le clip n'aurait pas existé, indirectement. D'accord. Ouais, c'est bien de se souvenir d'où on vient parce que sinon... On se perd totalement envers nous-mêmes et c'est pas forcément... Et je suis né là. Il y avait une magie que je pouvais pas voir parce que je me suis pas séparé de cette magie. Parce que c'est simple. La magie, quand tu es dans la magie, tu oublies un peu les valeurs et tout. Et quand tu la quittes, tu dis « Ah, c'était mieux avant ». Et tu... Et oui, c'est vrai. Et c'est là où j'ai pêché, c'est là où j'ai appris la pêche, qui était mon loisir numéro un. Et là où je pouvais être moi-même, c'est là où j'ai eu toute mon inspi, où j'ai eu toute ma force, c'est là où j'ai grandi avec ma famille. Quoi, les Vosges, si je dis je viens pas des Vosges, c'est presque un suicide familial. D'accord. Je suis né dans les Vosges. Alors le jour où je perce, c'est simple, je vais dire, on va me dire comment t'as fait pour réussir ? C'est simple. J'ai réussi avec Remiremont, j'ai réussi avec les rivières vosgiennes, et c'est simple, si vous les polluez, eh ben, je vais venir. Mais ce n'est pas un marron que je vais vous mettre dans la figure, parce qu'on ne touche pas, mes Vosges. Si on vient et qu'on dit, on va construire là, non, vous ne construisez pas là, c'est mes Vosges, on n'y touche pas. D'accord. Donc, je te propose que nous nous lançons tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime l'appeler, dans un tout premier son. Justement, et nous allons écouter le titre dont on parle depuis tout à l'heure, donc Souvenir vivant. Donc on écoute ça, est-ce que ça te va ? Est-ce que ça te va qu'on écoute Souvenir vivant ? Ah bah bien entendu, hein. Eh ben on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Décembre 1998, je vins à la vie. En période de Noël, j'ai vu ma famille et la féerie. Sur les terres vosgiennes et dans l'amour, j'ai grandi. Dans le froid de l'hiver, j'y ai allumé le feu d'une vie. Dans chaque saison, j'ai trouvé la magie de vivre. Les Pâques du printemps, le soleil des jours d'été, la métamorphose de l'automne qui annonce l'hiver, une nostalgie douce dans un flocon glacé. J'allais à l'école de mon village tout souriant. Je voulais apprendre et m'amuser avec tous les enfants. Je me souviens de cette joie de vivre. Aurais-je voulu me voir grandir ? Je peux revoir l'image de mon oncle et moi à la pêche, mes yeux pétillants devant la beauté de la nature, 2009, j'étais ce passionné du peuple des eaux. 2010, j'ai 11 ans, avec mon chien, parcourant la verdure. Juin 2011, je vois le monde noircir. Et pourtant, au fond de moi, je me souviens de l'enfant que je fus, de ses amours et de ses amis, que j'ai la chance d'avoir connu, de cette force d'aimer que j'ai gardée dans mon cœur d'enfant, de ces monuments et de ces paysages changés par le temps. J'ai versé des larmes dans ma vie. S'il le fallait, c'est mieux ainsi. J'ai vu des proches m'abandonner avec le temps. J'ai fait des erreurs quand j'étais adolescent. Même si le monde et mon âme ne sont plus comme avant, j'ai voulu garder en moi des souvenirs vivants. 2012, je me lance dans la dramaturgie. 2013, j'écris mon premier chant. J'ai donné aux gens une vision artistique de ma vie. 2014, mon frérot est en proie à la maladie. J'ai alors sombré dans le noir. J'ai perdu le goût de la vie. Seul sans frère comme lui, je me détruisais doucement, dans le désespoir, sans rien dire, sans pouvoir changer les choses. Le 19 mai 2015, je suis hospitalisé. J'ai alors décidé de me relever. Alors je me suis mise à slammer. Je voulais m'exprimer. Même si j'ai voulu oublier le passé, j'ai tout fait pour avancer. Chaque humain est unique. Chaque instant est unique. Comme les souvenirs de nos découvertes enfantines qui résonnent en nous comme une comptine. Nul ne guérit de son enfance, car on y retrouve la beauté de l'existence. Je resterai ce petit pêcheur passionné, au bord de la Moselle accompagné d'un collet. Je resterai l'enfant du monde et de ses couleurs. Pourquoi gommer son enfance? À cause de ses peurs. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours en direct sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous nous écoutez peut-être sur votre lieu de travail, sur la route, ou pourquoi pas sur votre lieu de vacances, et nous vous en remercions. Nous sommes toujours en compagnie de Cosmos, qui est venu nous parler, entre autres, de son tout premier clip Homemade, de son titre tiré de son EP Plus que des paroles, titre Souvenir vivant, que vous venez d'écouter à l'instant. Ça va toujours ? Ah ben oui. Bon, un peu ému parce que voilà, ce titre a une histoire incroyable. Bien sûr. Et le clip encore plus. Et dans les paroles, en gros, tu dis ce que tu as dit tout à l'heure, en fait. Oui, exactement. Je parle de ma vie et je parle aussi des remords que j'avais de vouloir oublier ces bonheurs d'enfance. Parce que beaucoup de personnes, moi je vais le dire pour ceux qui sont revenus entre-temps, pour beaucoup de personnes... L'enfance, c'est juste de l'illusion parce qu'on a une insouciance et tout. Alors qu'en fait, non, c'est déjà, comme je le dis, nul ne guérit de son enfance car on y retrouve la beauté de l'existence. C'est vrai. Et c'est le début de l'existence et c'est un peu comme apprendre la musique. On se rappelle toujours de ses premiers pas et ses premiers pas sont toujours magiques. C'est vrai. Quand un gosse marche, quand il tombe, il se relève instinctivement et il avance. Alors que notre société, c'est simple, tu tombes, on fait « Ah, il a tombé !» C'est ça. Alors qu'en fait, non. Et le titre, il a un peu ce sens-là maintenant. Alors qu'avant, il avait un petit peu un sens où voilà, je me livre. Mais plus je réécoute ce titre, plus il m'aide à avancer et il aide d'autres personnes à avancer. Et il est magique, ce titre. C'est pour ça que j'ai fait un clip qui est magique aussi. Il y a une magie. D'ailleurs, tu voulais nous en dire quelques mots sur ce clip? Oui, il a été fait justement suite à des politiques qui ont dit comme quoi la culture n'était pas essentielle. Et Grand Corps Malade, entre-temps, a sorti justement Pas Essentiel. Et je réfléchissais à un moyen de protester. Et il y a un gars qui revient vers moi, juste pour me faire chier, et qui dit « Ah, t'as pas sorti de clip ?» Hein ? Alors je dis « Écoute mon gars, attends, je vais faire un truc. On va voir ce que tu vas dire. » Alors je vais voir mon père et je dis « Écoute, on va rallumer l'ordinateur. » Il me dit « Pourquoi faire ? Tu vas voir. » Et je m'écoute. Je me mets plus de barrière. Je me dis « Écoute, on va faire un clip nous-mêmes. On va s'inspirer de... Là, à l'université, en esthétique du cinéma, on a parlé de la nouvelle vague. Donc, quand je dis nouvelle vague, on entend Jean-Luc Godard. Bien sûr. Et ce style de cinéma, c'est simple, c'était un cinéma de bas budget fait par des jeunes qui, avec aucune maîtrise cinématographique ou météorologique, et rien du tout. D'accord. Et je me suis dit, attends, je vais essayer de faire quelques plans. J'avais déjà fait des plans en été que j'avais mis de côté parce que je me suis dit, ça n'a pas marché. Et sous l'effet d'une prise de conscience, je me suis dit, écoute, on va faire notre art. Du moins, mon art. Et je me suis laissé guider en regardant justement mes souvenirs vivants, ce livre qui m'a donné l'envie d'avancer. Et je suis retombé sur des prises vidéo de mon père et je me suis dit, attends, on va essayer de faire quelques trucs. Et il y a eu au moins 4 jours de montage acharné. Ah oui. Et il y a plusieurs messages cachés dans les vidéos. D'accord. Parce qu'au début, on me voit souffler sur le livre. Alors, j'ouvre, on voit être en petit. Après, on voit un sapin de Noël. Et on me voit bébé en train de jouer avec ma mère. Bon, ma mère est cachée avec un petit cœur en pâte à sel que je lui avais fait pour Noël, justement. D'accord. Et on voit la rivière en crue, donc en hiver, parce que quand je suis né, c'était en hiver. Et la rivière était toujours en crue à ce moment-là. D'accord. Donc, je te propose que à 14h28, presque 14h29, nous nous penchons sur ta participation au trophée Rémi Raymond. Donc, il y a des choses à dire. C'était le samedi 24 octobre dernier, donc lors de la 3e édition du trophée Rémi Raymond. Il paraît que tu avais ému le public et le jury, justement avec ce titre Souvenir vivant, c'est ça ? Oui, et NAH en premier. NAH. D'accord, donc NAH, donc contre le harcèlement scolaire, souvenir vivant pour te rappeler justement tes souvenirs d'enfance et d'adolescence. Tu avais même figuré sur la liste des 4 derniers finalistes sélectionnés pour un second passage. Oui. Comment s'est passée toute cette aventure au trophée Rémi Raymond ? Alors, déjà, quand j'avais fait les auditions, j'y croyais plus du tout. Je me disais, j'y vais, en vrai, je vais tout abandonner parce que j'en avais marre de m'en prendre plein la figure en faisant plein de choses. Parce que 2019, je suis quand même passé sur France 2, j'ai quand même fait beaucoup de manifestations. Mmh. Et au passage, certains amis proches se sont permis de me mettre plus bactère et là, j'ai carrément pété les plombs. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais essayer ces auditions, j'ai rien à perdre. Bien sûr. Et déjà aux auditions, j'étais stressé. Et Angélique l'avait bien vu, elle me disait, mais non, c'est pas toi. Pendant tes manifestations, t'étais pas stressé comme ça. Comment ça se fait que t'es comme ça ? Moi, je voulais pas lui dire que c'est parce que je perdais les pédales. Mentalement, je perdais les pédales. D'accord. Et au fil du temps, je me suis reconstruit. Mmh. Mais moi, je m'attendais à rien. Je disais à mes amis de la fac, écoutez, je me suis inscrit, mais voilà. Je ne vais pas être pris d'une manière ou d'une autre. Les grandes productions s'en foutent de moi. Donc je suis nul. Et ils m'ont dit non. Même je suis sûr que tu vas être dans le classement. Alors arrête tes âneries. Donc j'avais pas trop confiance. Déjà quand je suis arrivé, j'ai dit à Angélique que je me sentais pas prêt. En plus, je chantais avec Pauline Ballant. Mais Pauline Ballant, attends, mais c'est une figure du chant avec mes copains quand on en parlait. Mais c'était un monstre. C'était presque la Lady Gaga des Vosges. Et là, j'arrive. Et on fait les répétitions et j'avais un peu honte. Je me disais, qu'est-ce que je fous là? Et après, je demande les retours. Et là, il y a Pauline Ballin et Angélique qui me disent, mais pourquoi tu te plains? C'est super. Waouh! Ah bah. C'est super? Mais je cherchais les caméras cachées. Je me disais, mais attends, à 3 heures du coup d'envoi, on me dit ça? Alors que j'ai chanté comme au collège, je me faisais humilier comme ça. Et c'est là qu'ils m'ont mis en tête que je devais reprendre conscience de ma voix, que je pouvais faire quelque chose avec ma voix. Et surtout du Jean-Jacques Goldman, mais j'avais pris ce choix juste pour dire, écoute, c'est un rêve, si tu t'en prends plein la figure, c'est pas grave. Et rien que là, en ayant réussi l'ouverture, j'avais déjà réussi le but de ma soirée. Et là, j'arrive en faisant NAH, en me disant, écoute, encore une fois, on n'a rien à perdre. C'est le max, mais pas trop. Et donc, je m'écoute. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi, je dis à la salle, levez le poing, s'il vous plaît. Et là, je vois toute la salle qui lève le poing, et même le jury, et les Miss Lorraine. J'étais en mode, attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais le pire, ça a été le commentaire, alors... Je vais essayer de le dire sans chialer, parce que je voulais tout abandonner. Et là, t'as Jessie Matador qui me dit, écoute, je veux te... Là, j'ai qu'une envie, c'est de te prendre dans mes bras et te dire que je t'adore. Et là, il enchaîne avec cette phrase, je veux que tu me fasses une promesse. N'arrête jamais. Putain, n'arrête jamais. Je voulais arrêter. Je voulais arrêter carrément. Et là, on me dit, n'arrête jamais. Le gars, il me connaît pas. Il me dit, n'arrête jamais. Et bah, putain. Et, oui. Et après, l'autre jury, pareil, me dit, mais je suis super ému parce que mon fils a subi le harcèlement. Donc, je te comprends. Et ça sent que tu avais beaucoup le trac, mais le message est passé. Et là, elle a relevé le poing. Ouh la vache. Je me disais, mais il y a le bon Dieu avec moi. Là. Non, c'est pas possible. Et dans les loges, je croise Miss Lorraine 2019 qui me dit, mais ton message, il est super. Il est super, n'arrête jamais. Et encore une fois, j'y croyais pas. Et là, je reviens, finaliste, je me dis, on va voir qui sont les finalistes. Mais j'étais sûr que Pauline Ballin allait être prise. Et là, numéro 6, c'est moi. Attendez, il y a trucage là? Non, il n'y a pas trucage, t'es finaliste. Et encore une fois, j'avais pris Souvenir Vivant. Parce que je me suis dit, si je suis finaliste, autant montrer qui je suis. Bien sûr. Et encore une fois, j'avais envie de chialer dans le micro, parce que j'étais moi-même. Et même l'animateur m'a dit, vous arrêtez de vous faire chialer, vous, hein. Donc, il faut rigoler un peu. Et là, Jessie Matador me dit, avant, on avait quelqu'un qui avait peur. Là, c'est la prestation XXL. On a vraiment un artiste. Et... pareil, Maria Apavo me demande, c'est toi qui écris? Je dis, oui. Tout seul? Oui. Ok, donc t'as pris sur ton vécu, tout ça. Et je dis, oui. Et elle me dit, mais j'étais dans un film, là. J'étais vraiment dans un film, vraiment, continue. Et moi, je pensais être cinquième, être en bas du palmarès. Donc, après le classement, la première, c'était Clem, la danseuse. Bien sûr. Et on me donne un lot, je prends une photo avec les Miss Lorraine, et là, je regarde, deuxième. Quoi? Je suis deuxième? Et c'est là qui m'a... C'est vraiment ça qui m'a donné envie de remonter la pente. Parce que, vraiment, je voulais tout abandonner avec tous ces gens qui disaient, t'as perdu un an, tu vas reperdre encore un an, et ci, et ça. D'ailleurs, j'ai repris l'université sur un coup de colère. Je me suis dit, écoutez, j'ai fait un burn-out en musicologie, et j'y retourne, et si je refais un burn-out, c'est bien fait pour vous. Parce que j'en avais marre des commentaires des gens qui disaient, mais écoute, non-harcèlement, tout le monde le dit, le slam, il n'y a que grand corps malade qui marche, tu peux pas vivre avec ça, et tout le monde s'en fout de ça. Ok, merci. Et le trophée Rémi Raymond m'a montré que non. Je suis venu en étant moi-même et pas avec des artifices comme certains me disaient. Écoute, faudrait que tu sois plus ci, plus ça. J'ai dit, écoutez, je vais venir moi-même. Comme je suis venu au studio Airplay avec la même envie de guérir justement. Parce que 2018-2019, je le cachais un peu, mais psychologiquement, j'étais pas bien parce que j'avais des démons intérieurs qui essayaient de dire même si t'avances, on est là, on va te mettre plus bas que terre, hein, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et puis après le confinement, je me suis dit merde, on n'a plus rien à perdre, on est dans une époque où tout est incertain, et ben si tout est incertain, je vais reprendre confiance là où les gens me disaient ne garde pas ta confiance. Depuis au moins 10 ans bientôt, 10 ans. Et je me suis dit, écoute, il y a le trophée Rémi Raymond. Ils m'ont dit ça, je suis venu deuxième en étant moi-même. Même il y a des Miss Lorraine qui me suivent, comme Emma, la deuxième dauphine, je crois, ou première deuxième dauphine, je ne me rappelle plus trop. Mais elle me suit, et en plus, elle est infirmière. Et encore une fois, je dois tout aux infirmières. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis confiné, alors que les autres disaient « Oh, mais t'inquiète pas, le corona, il est loin. » Je disais « Ah non, non, non, il est là. » Et il y a déjà les hôpitaux qui sont en train de gonfler. Et j'ai peur pour les infirmières qui m'ont sauvé la vie plusieurs fois. Parce que quand j'étais suicidaire, que je disais « J'ai pas le droit de vivre », elle me disait « Non, non, arrête de dire ça. Vis, mon petit. » C'est même ce qu'elle me disait. Excuse-moi, je suis allé. Pas grave. Mais elle me disait vraiment ça. « Vis, mon petit. » Quand j'étais malade, elle me disait « Mais la vie est belle, arrête d'écouter la société, guéris-toi !» Et c'est d'ailleurs pour ça que je leur ai fait un slam a cappella, que je me suis confiné. Les gens me disaient « Mais pff, les infirmières font leur boulot !» Et heureusement qu'ils font leur boulot, c'est les commerçants qui doivent... Et je disais « Écoute, mais va dans un hôpital, va voir les malades, va être malade comme je l'étais, au lieu de dire des conneries pareilles !» Et ben justement, tu sais quoi, c'était pas prévu pour tout de suite. Mais excuse-moi d'avoir... parce que vraiment, pendant le confinement, j'ai gardé un peu trop ça. Et quand je t'en parle, ça explose, alors excuse-moi. Ah ben non, t'inquiète pas, t'as pas à t'excuser, on est là pour ça. Donc du coup, c'était pas prévu pour tout de suite, mais allez, on va s'écouter le slam a cappella que tu as fait en hommage aux infirmières et aux infirmiers. Donc les guerriers blancs, slam a cappella. Et du coup, on se retrouve juste après. Depuis ma chambre, j'écoute les informations. Et j'avoue que j'ai peur face à cette situation. Non pas pour moi, mais pour tous ces hôpitaux qui se saturent d'heure en heure et sans le moindre repos. Et dire qu'avant certains, supprimez vos biens par économie. Aujourd'hui, ils pleurent à vos pieds, ils n'ont pas prévu cette agonie. Cette agonie, c'est cet ennemi invisible et tout neuf qui porte comme nom scientifique Covid-19. Je pensais pas que Dame Nature nous réservait une épreuve pareille. Les financiers se croyaient surpuissants et aujourd'hui, on manque d'appareils. Il y a même pas un an, et pour une bonne raison, le monde médical était en grève. Aujourd'hui, des étudiants et des retraités reviennent pour prendre la relève. Je n'ai jamais vu ce genre de guerre particulière. Ce n'est pas pour des raisons politiques qu'on se bat, mais pour des raisons sanitaires. Par solidarité pour sauver des vies, je me suis confiné. Et vu que je ne peux pas rester sans agir, ces vers, je les ai griffonnés. C'est pas beaucoup, je l'avoue. Je suis comme tout être humain. Je sais très bien que dans ces moments critiques, ça aide énormément le soutien. J'imagine cette sensation d'impuissance des infirmières. Et certains ont l'impression d'être abusés, comme des soldats de la Première Guerre. Mais je crois à la victoire si le monde entier se relève. Soyons tous solidaires si nous souhaitons reprendre le cours de nos rêves. Il est 20h, je suis à ma fenêtre. J'applaudis et je leur écris ces mots. Vous vous battez tous les jours pour nous. Ce soir, on applaudit pour soigner vos mots. Allez, vous savez quoi ? On est reparti parce que le message, il mérite d'être passé. Donc, on le repasse. Ça te dit ? On te repasse ce slam ? On le repasse ? Bah, si tu veux, oui. Bah, écoute, parce que vu que tu discutais un petit peu, donc je me suis dit, tiens, ou alors on peut reprendre comme ça, comme tu veux. Bah, je pense qu'on va reprendre. Allez, on va tout dire ce qu'on était en train de dire là. Vas-y. Du coup, concernant le trophée Rémi Raymond, c'était ta première participation ou pas ? Bah, c'est au trophée Rémi Raymond, oui. Mais j'avais fait quelques petits concours amateurs, dont à Charmes. Mais bon, je voyais pas ça comme un grand concours. Je voyais comme une scène locale. Et vraiment, pour moi, le plus important, c'est les scènes. Justement les petites scènes comme ça, parce que c'est là où les enfants harcelés se cachent malheureusement, parce que parfois au hasard je disais c'est à toi que je pense petit, et ces enfants venaient émus en disant oui j'étais harcelé, comment tu le sais. Et c'est justement pour ce public maintenant que je vais m'investir, D'accord. Parce que j'ai remarqué le grand public comme le public rap. J'avais fait une rap session et il y avait un rappeur qui disait mais je l'aime pas le slammer qui vient d'ouvrir là, c'est qui? Alors il y en a un qui dit bah c'est le slammer du Airplay, c'est celui dont on parle de plus en plus. Et ce rappeur en question vient me voir et me dit écoute, dans le rap c'est simple, faut mentir, faut pas se livrer, faut, tu vois, c'est que du bling bling ou du wesh wesh wesh, genre oui. Comme du Damso, toi on veut pas de toi. Donc forcément ben là j'ai envie de tout péter. Mm-hmm. Donc ben, ça se ressentait dans ma prestation, je criais comme pas possible. Et Mousse me disait mais pourquoi tu cries, regarde, mais pourquoi t'as crié? Ben, justement parce que encore une fois il y a des cafards qui sont venus foutre en l'air ça. Je me suis dit écoute, ben, puisque c'est comme ça, non, je suis pas dans le rap game, je suis pas dans la pop ou quoi que ce soit, je suis pour les gens qui en ont besoin. Et je l'ai bien vu au Val d'Ajol, j'étais invité dans une petite réunion où on parlait des relations parents-élèves, et j'étais invité justement pour le harcèlement. Donc je me suis livré, et dès que je me suis livré, j'en ai vu une pleurer. Ni une, ni deux, je suis venu lui faire un câlin, et je lui ai dit, écoute, il se passe quoi là? Et là, il y a un animateur de la MJC du Val d'Ajol qui me dit, ben voilà, elle a été harcelée. Et donc je voyais très bien qu'il y avait beaucoup de harcelés à la MJC du Val d'Ajol. Donc je suis revenu un soir et c'était prévu que je fasse un concert gratos pour eux avec mon matos. Et je le dis ouvertement, s'il y a des MJC qui veulent reprendre des trucs, je viens gratos. Parce qu'à notre époque, même avant le corona, fallait faire quelque chose. Parce bien que sûr. Tout le monde dit maintenant le harcèlement avec le coronavirus, on n'en parle plus. Si, faut parler du harcèlement. Même on me l'a reproché, on m'a dit mais pourquoi t'en parles plus? Et pour moi, je leur ai dit écoutez, je suis humain, je suis pas une machine à tube, je m'appelle pas Joule, je m'appelle pas Maître Gims, je m'appelle pas. Écoutez, je suis pas une machine à production, je suis un humain. Et beaucoup de personnes ont oublié que j'étais humain. On voulait justement profiter de ma générosité. Et je dis ouvertement, ceux qui restent pour ce que je suis sont les vrais amis. Et mon public, c'est simple, c'est ceux qui disent « Oui, lui, il ira loin et je m'attache à lui. » Et je veux pas qu'on me dise « Oui, lui, il ira loin et que par derrière, hé, il est nul, hein !» Comme certains le faisaient. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai beaucoup de colère parce que quand j'ai fait plus que des paroles, j'avais de la colère, je disais, il faut pas que je sois en colère. Parce que vu que je suis hypersensible, je l'ai appris, je suis hypersensible. Et ça se ressent malheureusement, du moins heureusement, dans mon premier EP. Et je cachais ma colère parce que quand ça pétait au collège, tout le monde disait, ah, vous avez vu, il est en colère, il a dit ça sous colère, vous devez pas l'écouter. Ok, donc j'ai retenu toute ma colère. Et au dernier moment, et ben, pouf, ça a pété comme un bouchon de champagne, quoi. C'est pour ça que maintenant je dis, je viens comme je suis. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, eh ben, j'aurai essayé. Bien sûr, il faut rester comme on est. Faut pas s'inventer un personnage parce que sinon, bah, c'est pas nous, comme tu oui, dis. Oui, bah, c'est ce que m'avait dit Mousse. Il me disait, reste l'artiste que tu es, ne rentre pas dans le business. Déjà, Damso l'a compris. D'ailleurs, j'aime bien ce rappeur parce que avant, je l'aimais pas du tout quand j'écoutais ses textes. J'étais en mode, ah, oh, mais quel vulgaire! Et depuis Calf, je respecte cet artiste parce qu'il n'est pas dans le système Booba, Caris, je te tape dessus dans un aéroport. Ça, c'est la caricature du rap. Se taper dessus dans un aéroport, c'est la caricature du rap. Le vrai rap, c'est Smoka. Smoka qu'on a déjà reçu ici, il me semble. Oui, oui. Et qui m'a vu étant petit, en tant que, du moins, petit artiste, qui essayait de me lancer. Ben voilà. Le vrai rap dénonce, le faux rap, bif, bif, bif. Bah, le bif, c'est simple, on en a besoin pour aider des gens. Alors arrête de claquer, ok? Ok. Excuse-moi d'être en colère, mais... C'est pas grave, on est là pour ça, t'inquiète. J'ai trop de colère en moi. Donc justement, dans ce trophée, Rémi Raymond, ton objectif, c'était pas de gagner ou d'aller loin, mais plutôt de passer un vrai message. Oui, et montrer aux gens qui j'étais. Parce que quand je montrais qui j'étais... Eh ben, mes amis n'aimaient pas du tout. Déjà, quand je suis passé sur France 2, il y en avait un qui m'a provoqué, je dirais même pas l'injure qu'il a osé me dire. tellement que c'est inhumain. Et je me suis dit, ah d'accord, tu me parles comme ça, bloqué. C'est alors, ce qu'il faut faire. Forcément, quand tu te sens trop seul, il arrive un moment où tu perds les pédales, et c'est humain de perdre les pédales. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs, j'ai fait ce trophée Rémi Raymond pour me retrouver, pour dire, voilà, je suis un artiste, je suis pas une machine. C'est vrai, et ça, beaucoup, enfin, pas beaucoup de personnes, mais certaines personnes l'oublient parfois trop facilement. Oui, parce que je vais pas tout raconter, mais derrière... Dès l'instant qu'il manquait ci, il manquait ça, c'était « Ah, c'était mal fait, nanana !» J'avais plus rien à faire. Voilà, mon slam, il est pour ceux que je veux aider. Et je veux aider ceux qui ont été harcelés. Je veux aider ceux qui sont incompris. Et en ce moment, c'est beaucoup les infirmiers qui sont incompris. C'est vrai. Et beaucoup, beaucoup trop de personnes. D'ailleurs, les restaurateurs ont été beaucoup incompris. Et Facebook a censuré un de mes textes. Ah oui ? Ouais. Bien entendu, mes amis disaient « Fais gaffe, Cosmos, ne dis pas de politique parce qu'on va te couper de l'herbe sous tes pieds. » Parce que des politiciens m'ont soutenu, donc je pense aux députés et aux sénateurs qui disaient que c'était bien, qu'il fallait faire une association non-harcèlement. Mais avec tout ce bazar, je me disais « Mais oui, je veux faire cette association, mais... » Voilà, humainement et financièrement, pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est un projet. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets. Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro. C'est pas grave. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais que je vais pas dire parce que voilà, je veux me protéger. Très bien. C'est ce qu'il faut. Il faut se protéger. D'ailleurs, lors de ce trophée Rémi Raymond, je vais y arriver, décidément. Tu t'es même produit devant. Il y avait Diane Fevey, Miss Lorraine 2020. Oui, Diane Fevey, et ses dauphines. Et ses dauphines. Et ses dauphines. Oh là là, ça se voit que c'est du direct. Hein. Qu'est-ce que cela t'a procuré comme sensation ou comme sentiment de te produire devant Miss Lorraine 2020? C'est quand même quelqu'un. Ben, j'étais très reconnaissant, surtout envers Ilona Roblin, parce que j'ai essayé de la joindre plusieurs fois. Et des cafards m'ont empêché de la joindre par courrier ou autre, en mettant une fausse adresse. Alors ça me revenait en disant, bah voilà, on n'a pas trouvé l'adresse. Attends, mais c'était pas l'adresse là. Alors voilà, j'avais tout laissé tomber. Comme là, ben, j'ai vu Grand Corps Malade à Sion, il a mon CD, mais il n'a pas mes coordonnées, parce que justement, celui qui veut mettre les coordonnées dans le CD l'a mis à la poubelle exprès pour pas que j'aille plus loin. D'accord. Ah oui, Grand Corps Malade, il a ton CD plus que des paroles. Oui, il a mon CD, mais il n'a pas mes coordonnées parce que, voilà, sous l'euphorie, je n'avais pas vérifié. J'avais trop fait confiance à des imbéciles. Excuse-moi du terme, mais vraiment, c'est le cas de le dire. C'est pas grave. Et donc, en plus, le fait de m'être produire devant ces misses, ça m'a redonné une confiance envers la féminité. Parce que 2018-2019, forcément, quand j'étais en convalescence, Je voulais voir du monde, donc j'allais voir les filles, c'est normal de voir les filles, c'est normal, et d'essayer de faire des relations amoureuses. Bien et sûr. Quelques-unes m'ont friendzoné, tu vois, être friendzoné, c'est beau, mais quand ces filles disent, écoute, t'es slameur, mais t'as pas d'argent, t'as pas de voiture, tu perces pas, désolé, ça va pas être possible. Ah. Et j'étais en mode, mais c'est n'importe quoi ça. Même mes proches me disaient, mais tu vas voir des personnes toxiques, arrête. Et je perdais trop de confiance envers la féminité, parce que j'ai été harcelé par des filles, et au moment où je deviens adulte, ces filles me disent ça. Je me dis, mais qui a raison, qui a tort? Donc, en réfléchissant trop dans ma tête d'hypersensible, ça a pété. Ah oui. Et quand je me suis produit devant ces Miss Lorraine, qui étaient quand même... ouais, c'était pas n'importe qui. C'est vrai. Et qui m'ont soutenu, qui m'ont énormément soutenu, qui m'ont dit, mais c'est bien ce que tu fais. Continue, ne lâche pas. Et certaines d'entre elles m'ont followé. Mais voilà, je me suis dit, non, toutes les filles ne sont pas comme ça. Et encore, ça m'a redonné une confiance en plus d'avoir des amis féminins à Metz que j'ai soutenus et qui maintenant me soutiennent. Quand par exemple, je dis, ah, je ne suis pas bien. Ah, tu n'es pas bien. Eh bien, c'est simple. Prends soin de toi. J'envoie tes cours. Ça m'a redonné une confiance énorme que j'avais envers la féminité. D'accord. Parce que je m'étais fait une fausse idée sur la femme. Et je voulais faire un projet féministe, mais bon, Grand Corps Malade l'a fait, et vu que c'est le King, voilà, on laisse parler le King. D'accord, oui, donc ce trophée Rémi Raymond, ça t'a vraiment apporté beaucoup de choses. Énormément de choses. Parce que quand je suis arrivé, je me disais, j'ai rien à gagner. Et quand je suis sorti, j'avais tout gagné. Parce que quand Pauline Balin, deux jours après, t'envoie un message en disant « C'est sûr, tu iras loin en étant toi-même », bah, tu vois ça, t'es en larmes, tu te dis « Mais non, c'est pas possible !» Mais si, c'est juste la société qui t'empêche d'être toi. Et oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que j'ai dit « Écoutez, je veux bien aider la société, mais c'est simple. Si vous n'écoutez pas, eh ben, je continuerai à slammer. » Vous pouvez me censurer comme vous avez fait sur Facebook pour soutenir les restaurateurs. D'ailleurs, il est sur Instagram, tu l'as liké d'ailleurs. Mm-hmm. Où je disais carrément, je peux pas le dire parce que je l'ai pas sous mes yeux, mais je disais carrément aux politiciens, et vous dites que voilà, faut aider les restaurateurs, tout ça, mais qu'est-ce que vous faites en vrai? Vous faites rien. Combien de milliardaires pour combien de pauvres, hein? D'ailleurs, un philosophe a dit « Être milliardaire à notre époque, c'est déjà un crime humanitaire. » Alors j'ai réfléchi là-dessus et c'est vrai. T'as de bonnes personnes qui font des dons. Je dis pas que tous les milliardaires sont des salopards. Mais bon, le salopard numéro un, pour moi, c'est Donald Trump. D'ailleurs, quand il a quitté la Maison-Blanche, j'étais en mode « Ah, tant mieux !» Mais quand j'ai vu le bazar qu'il y a eu, je me suis dit « Ça m'étonne pas. » Même je m'attendais à pire. Mmh. Déjà pour le coronavirus, je m'attendais à pire pour certaines choses. D'accord. Moi, je pensais que le Parlement dirait « Bon, on est dans la merde, mais on vous laisse dans la merde. Hein. » Mais il y a quand même eu des choses de faites. C'est vrai. Et tant mieux d'un côté, mais d'un autre, non. D'accord. Il y a trop, je pense qu'on se divise trop. Parce que tu vois, t'as des gars qui font des films avec la cagnotte du peuple pour dire voilà les vérités qui arrangent le peuple. Et d'un côté, t'as ceux qui disent bah écoutez, c'est de la désinformation, mais on va pas tout vous dire. Alors qui écouter? La meilleure chose à faire, c'est de se mettre sur une table et dire ok, on va mettre notre fierté de côté, on va dire les choses comme elles sont. Parce que les gens pètent un câble quand je vois Jean-Marie Bigard, je me dis non, c'est pas lui, c'est pas Jean-Marie Bigard. Alors que, voilà, les gens en ont marre, moi en premier. Alors, c'est pour ça que je dis, écoutez, si l'art est mort, il y a encore moi qui survis. Et je vais slammer sans musique. Je vais écrire sans ordinateur. Je vais continuer à être moi. Point barre. J'ai répété point barre je ne sais combien de fois. C'est pas grave. Il va être 14h54, donc je te propose que nous nous lançons... Déjà. Eh oui, oh là là. Car je te propose que nous nous lançons directement dans une dernière fréquence, un autre de tes titres tiré de ton EP plus que des paroles, NAH, qui oui, veut dire titre phare. Voilà, qui veut dire, si je ne me trompe pas, non au harcèlement. Oui. Donc voilà, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Dans mon cœur, j'ai gardé ce mal-être que j'ai trimballé avec moi lorsque je croisais les traîtres. Aujourd'hui, j'ose en parler de ces années d'enfer. Trop d'enfants à l'école et sur internet ont souffert. Descendant d'un métissage, on m'appelait le bâtard. Voilà pourquoi moi-même, j'avais ce coup de poignard. Je pouvais pas garder la tête haute comme je pensais. Car trop d'injustices en ces années se sont accumulées. Les insultes te font mal car tu crois qu'elles ont raison. Faire du mal pour le sourire est-elle une bonne raison? Tous ces visages noircissent à force d'être souffre-douleur. Tu te caches pour vider ton sac de pleurs. Toi qui souffres tous les jours, tu aimerais en finir. Mais quand tu t'approches du collège, tu entends déjà les fous rires. Garde confiance en toi, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que maintenant, je veux que ce soit toi qui parle. Je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur. Pour le rendre meilleur. Je veux faire exprimer les cœurs. Exprimons nos cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter. Si personne t'écoute.

J'écouterai demain alors pour découvrir. Eh ben nickel. C'est des rappeurs. Rappeur slammer un peu comme toi, mais je suis pas sûr qu'ils soient dans le même thème, tu sais, le harcèlement, mais je sais que c'est des rappeurs. Ah bah je vais voir. Voilà. Donc une nouvelle fois, merci encore à Cosmos d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à vous et merci à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui restent humains. Vous êtes tous formidables. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Stealing Sheep et leur titre Apparition. Voilà, accent anglais. Et merci de votre fidélité à Radio Gemozo et je vous dis à demain. Donc salut et à demain.